Y a-t-il plus d'agressivité aujourd'hui? La formulation de cette question, non seulement sur l'agressivité en général dans la vie humaine, dans les sociétés humaines, mais dans un changement aujourd'hui. Et aujourd'hui, ça veut dire aussi, soyons clairs, en France, aujourd'hui, en 2021, dans un contexte où nous disons que nous devons prendre soin les uns des autres, par exemple à travers la protection mutuelle, sanitaire, la santé publique, même le confinement, le vaccin sont des manières de prendre soin les uns des autres. Et pourtant, nous avons le sentiment qu'il y a un regain d'agressivité dans cette société française connue autrefois pour ses manières, pour son art de vivre, pour sa politesse, pour sa courtoisie, pour ses égards les uns à l'égard des autres. Il faut donc comprendre à la fois si nous avons raison dans ce diagnostic qui relève peut-être plus de la sociologie, du reportage pour aller vérifier ces impressions spontanées. Et là, ici, il faut rendre hommage aux sciences sociales. Nous avons besoin d'éprouver par l'enquête scientifique la vérification de nos sentiments impalpables, de nos sentiments spontané et avec des enjeux plus lourds qu'il n'y paraît, mais aussi peut-être relier ces sentiments à la notion même d'agressivité et faisons aussi, là aussi, un petit peu de philosophie pour comprendre ces sentiments à l'écume de l'actualité, à l'écume des jours, mais qui malgré tout nous conduit à quelque chose d'essentiel. L'agressivité, ça n'est pas n'importe quelle violence. C'est la violence entre des individus d'un même groupe pour une reconnaissance dans ce groupe. Ce n'est pas la violence entre des groupes. On ne dira pas qu'une guerre est un acte d'agressivité. Bien sûr, on parle d'agression. Mais justement, parler d'agression, c'est supposer qu'il y avait une relation. C'est supposer qu'on transgresse un lien préalable. C'est donc supposer qu'il y a une sorte d'amitié naturelle et que la guerre la transgresse. C'est peut-être un peu plus compliqué. Mais l'agressivité, c'est justement quand, dans une société où chacun a en théorie sa place, ou dans une famille, dans une relation, où chacun est reconnu pour lui-même, eh bien, il y a cette forme de violence qui, justement, ne nous laisse pas notre place à nous. Les éthologistes, ceux qui étudient les comportements des animaux, ont montré que l'agressivité n'a lieu que dans des groupes, justement, où la reconnaissance individuelle est importante. Pas seulement chez les humains, chez certains autres groupes d'animaux. Il y a de l'agressivité entre certains grands mammifères pour conquérir non seulement une conquête sexuelle ou amoureuse, mais dans la conquête d'un territoire ou même simplement dans la reconnaissance de leur force, dans la reconnaissance de leur beauté. Je suis plus fort que toi. Et finalement, chez les humains, cette question de l'agressivité est aussi le prix à payer pour notre individuation, pour notre reconnaissance singulière et mutuelle. Nous devenons agressifs quand nous ne nous sentons pas reconnus pour nous-mêmes dans une société qui doit absolument laisser à chacun la reconnaissance de sa voix, de sa singularité, de son individualité. Et finalement, ce que nous apprend ce sentiment impalpable, c'est à la fois peut-être une dégradation de nos relations sociales, laissons les sociologues le confirmer, un enjeu politique majeur, n'oublions pas cela dans le temps de la pandémie, qui vient mettre l'appui sur nos relations inter-individuelles, mais aussi un peu de philosophie, comprendre pourquoi l'agressivité désigne quelque chose de très profond entre les vivants humains singuliers que nous sommes et pourquoi elle appelle un surcroît de reconnaissance.